J'ai Homer la gloire, le renom acquis dans le milieu compétent des braves, et la mesure objective de la valeur. Le héros homérique, comme à son exemple l'homme grec, n'est vraiment heureux que s'il s'affirme, se sent distant et supérieur. M'affirmer le premier dans ma catégorie, c'est des moches, des mauvais, des mordes, qui du constat des bactéries. Depuis que tu mon ami, moi la vie, je la conçois comme un safari. Au milieu des hyènes qui courent, je crache mon haleine. Au relent de cyclone, de bleu d'Auvergne. Entre le souvenir du haut et l'obligation du bas.